أشتاق ومن حق عليك أحن أحن على ما أظن من حقي أنا أشتاق ومن حقي عليك أحن أحن ونادي في بالي طيوفك بعيد ورحتي شوفك أنا ما جيت في دروبك ولا مريتك وسلمت ولا من سولف عنك على خبرك على ظنك غض الشوق لكنك تكون انت الكلام بصمت على ما ظنك حقي أنا أشتاق أشتاق La radio du vivre et du faire ensemble. À Avignon, Nice, Marseille et dans toute la région PACA. Et partout en France en DAB+. Trouvé la seule que je voulais, Habiba, t'es la femme de ma vie. Oublie tous tes ex, c'est démodé. T'as touché mon cœur, hémorragie. Et je te couvrirai d'amour. Moi je veux que mes enfants t'appellent maman chérie. Oublie les autres, c'est ton tour. C'est toi et moi, on s'est mariés pour la vie. Habibé, j'ai emmené mon bébé. Aucune raison de regretter. Je pourrais m'endetter. Habibé, t'es à emmener mon bébé. Aucune raison de regretter. Pour toi, je pourrais m'endetter. Oh bébé, c'est toi, y'a pas de doute. Sals bénédic, canaille, j'ai pris toutes les routes. La belle est consignée, à base en bridon ta main. J'ai pris tes vidéos dans mes pour toi. Je t'ai donné mon corps, me demande-toi pourquoi. J'ai aucun détour, moi je vais tout droit. Oh vas-y, emmène, donne ta main. Je te cherchais, je t'ai trouvé la seule que je voulais. Habiba, t'es la femme de ma vie. Oublie tous tes ex, c'est démodé. T'as touché mon cœur, hémorragie. Et je te couvrirai d'amour. Moi je veux que mes enfants t'appellent maman chérie. Oublie les autres, c'est ton tour. C'est toi et moi, on s'est mariés pour la vie. Ah bébé, t'es à emmener mon bébé. je pourrais m'endetter. Je serai toujours là pour toi, peu importe l'état. Ma chérie, je suis réglo, pas de manigance. Surtout ne t'en fais pas, si tu tombes bien mes bras. Je suis piqué sur ton charme, appelle l'ambulance. Y'a quatre fois que je passerai l'anneau. Je te déclare ma flamme et je me jette à l'eau. Je laisserai jamais tomber, jamais. T'es avec un vrai Parisiano. Je te cherchais, je t'ai trouvé, la seule que je voulais. Habiba, t'es la femme de ma vie. Oublie tous tes ex, c'est démodé. T'as touché mon cœur, hémorragie. Et je te couvrirai d'amour. Moi, je veux que mes enfants t'appellent maman chérie. Oublie les autres, c'est ton tour. C'est toi et moi, on s'est mariés pour la vie. Emmenez mon bébé. Aucune raison de regretter. Pour toi je pourrais m'endetter. Ah, ah bébé. Tiens, emmenez mon bébé. Aucune raison de regretter. Pour toi je pourrais m'endetter. Vous écoutez France Maghreb 2. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. شكرك ألف مرة لا تقولي لي ولا نقول ليك بس أي سالت نظرة والواد اللي جابك يدي وربي عود في اللي جرى سيري ما بقيت الشيري هلا لا لعبتي وتقنتي اللعبة هلا لا روحي ما بقيتش روحي هلا لا يا خرارة خصتي المحبة سماوني قيس المجنون كتر ما شفت وعدي تهمد النار اللي في الكون وانتي مو حال تهمدي قاعدة تدوري في دوك العيون مكين اللي عرفك كدي سيري ما بقيت الشيري هلا لا لعبتي وتقنتي اللعبة هلا لا روحي ما بقيتش روحي France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. France Maghreb 2. À Mulhouse, Belfort et dans toute la région Grand Est. Et partout en France en DAB+. البارح وانا بعزوبتي فارح بالشوق والهوى سارح كان في عمري عشرين البارح كانت لموالدة تلوح صحة البدن تتريح يا زهرة السنين البارح البارح كان في عمري عشرين يا حسرة على عشرين شبابي مع جملة حبابي ليل ود جاو محال وإحنا يا سمراني البارح وأنا زاهب شبابي مع جملة حبابي ليل ود جاو محال وإحنا يا سمراني بدعتي في الريام عدبي الفضير قيت عربي بدعتي في الريام عدبي الفضير قيت عربي واللي نحوزها ونكلمها كاتب العين البارح البارح كان في عمري عشرين كان في عمري عشرين الشعور الشجرة ونلتها في القريب البارح شق البحر ومواجي كان الغرام تهيجي نصر في الشعور الشجرة ونلتها في القريب وانا مع الحباب ونتجي الصبر والعقل ناجي وانا مع الحباب نتاجي الصغر والعقل الناجي نخاطب القمر ونجومه يفهم غير بالعين البارح البارح كان في عمري عشرين كان في عمري واليوم كي صار خلاني حتى الشيب بدلوني ارمى الظلام في العين البارح كان الزمان سلطاني واليوم كي صار خلاني حتى الشيب بدلوني ارمى الظلام في العين Vous écoutez France Maghreb 2. France Maghreb 2. En FM, en DAB+, sur francemaghreb2.fr et sur l'appli Apple Store et Google Play France Maghreb 2. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. Vous écoutez France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. France Maghreb 2. À Chartres, Tours, Bourges, Vichy, Châteauroux et dans toute la région centre. Et partout en France en DAB+. Ma chérie, j'ai juste fait ce qu'il fallait. J'ai même assumé ce que je pouvais pas. J'ai pas ressenti ça depuis l'époque où je comptais. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, c'est toutes les musiques, ensemble, toute génération. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. وحشت معك الكلام هجرتني وانا لم انسك ولازلتي في بالي كي نغنتي طاق علي العالم ربي وحده اللي عالم موجوع انا قلبي قل لي اشنو ذنبي يا حرام والله حرام اذا مثلو هالغرام partout en France en DAB+. حبك مثل بيروت شمس وسماء وشطوط مضوي لحظة سعادة وبتأثر في وحلم الطفولة اللي بعده عم يكبر حبك مثل بيروت كل ما حن اللي عم حبه زيادة كل ما لقيته بلاقي السعادة وكل ما بعاني عم حبه أكتر حبك مثل بيروت مثل شي حكاية عالمينا مطرح ما كنا ونسينا بكل خطوة إذا مشينا نشعر تغربنا وجينا حبك مثل بيروت مثل شي حكاية بحرية فيها حكاية سرية نسمة هوا ربيعي توعي سحر الهوى في حبك مثل بيروت حبك مثل هالأرض القوية حبك مدينة حلوة بعيناي عطرها تاريخ ومجدها غني حبك مثل بيروت مثل شي حكاية عالمينا مطرح ما كنا ونسينا بكل خطوة إذا مشينا نشعر تغربنا وجينا حبك مثل بيروت مثل شي حكاية بحرية فيها حكاية سرية

الدنيا تجرب ومهما تصعب تزيد تقويني وإذا عيوتك يمي ما تحميني وغدوة تفرح لي كيف أنا ننجح لك وتجي وتهنيني ومهما تعبنا وشقينا وبكينا وطحنا وضمنا فرحنا مالينا والراس الفوق والفوق والفوق والراس الفوق والفوق والفوق وإن شاء الله زينا وزهينا تهنينا وحلمنا حلمة وصلنا للي حبينا والراس الفوق والفوق والفوق والراس الفوق والفوق والفوق Écoutez France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. France Maghreb 2. À Rouen, Nantes, Poitiers et dans toute la région Ouest. Et partout en France en DAB+. سمليح يا حكايتنا هكي دايرة صباح العشق شي العايرة يا ديرو بيتير حرب بصح تقعد انتي مولا تلبر قلب ابيض وزن هابري جاي حلينا وكيف هابرين يا دير الدين فوز عف هابري توحشني بلا بيا جيف هاب لبيا ما دير وين على بري قلب ابيض وزن هابري وكيف يقلين يا دير الدين فسعة فيقفين توحشني بلا بيا نشيف واه الماجيك واه على الباروري على باروري غشي من عدوزة ايوه الماجيك اريس اريس خويا يو يو قل الله قل الله يو يو مرينا يقعدنا وعشرار وصح جامي تعني لي صفار يا بيناتنا عجبال لي صفار يا ردي أبزوب الصح من كبنوش كلمة الفرق قعمة قرعوش يا معاها بالربح ولا بالخسارة في حياتي تقعد أحسن نظرة قلبها بيض وزن هابري جاي حلينا وكيف هابري يا دير الدين فوز عف هابري تتوحشني بلا بيا جيف طيب قلب ابيض وزن هابري عمري حنينه وكيف هابري يا دير الدين فزعه هابري توحشني بلا بيا جيف يحيى صباح سيطره سيناريو دبي يشوفوا روح عندنا بيدرو خويا احلى مناجر توفيق الهره احلى مناجر خويا نقولها لك يا رانا كل احوال الجويه يا نهار الشباب وخطره شويه اليوم معايا قدوه نور عليا خليها على حساب النيه مره عاديه مره حباب هذا مغيم وخطره شباب صديق ممكن تكون هي على حساب الظروف العاطفيه هاتفوز عليا تفوز قلب ابيض وزن هابري جاي حلينا وكيف هابري يا دير الدين فوز عف هابري تتوحشني بلا بيا جيف تتوحشني تعيط لي قلب ابيض وزن هابري عمري حلينا وكيف هابري يا دير الدين فوز عف هابري تتوحشني بلا بيا جيف حطوش حطوش خويا الشرع عبدو اركا الحاج ولدا والسيناريو غشي بريكسي الشرع عباس ابو البهلا يعقوب يعقوب غشي طنزي كنتي يا شحال ولا فاء وعيوني عليك نواحه كنتي يا شحال ولا فاء وعيوني عليك نواحه واش من راي نديرو رايك ولا راي ما واش من راي نديرو رايك ولا راي sur France Maghreb 2. Une offre publicitaire spéciale Ramadan. Vite, profitez de nos offres publicitaires spéciales Ramadan. À chacun de vous, nous proposons la meilleure offre publicitaire au prix le mieux adapté à votre budget. Vous souhaitez développer votre activité, augmenter votre chiffre d'affaires, faire connaître votre entreprise, vos produits, vos événements ou vos services? Alors, ne ratez pas cette opportunité et profitez de nos packs publicitaires spéciales Ramadan. Quel que soit votre budget, appelez-nous au 06 64 95 19 29 06 64 95 19 29. Attention, cette offre est valable dans la limite des espaces disponibles dans nos écrans publicitaires. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. حبيبي ما وفى بوعده على ما يبدو ما يبدو حبيبي ما وفى بوعده على ما يبدو ما يبدو حبيبي ما وفى بوعده على ما يبدو ما يبدو حبيبي ما وفى بوعده إذا ما يرحمون الناس الله يرحم بعبده We'll be right back. وجع راس وما ينطق Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. À Lille, Dunkerque, Beauvais, Amiens et dans toute la région Nord. Et partout en France en DAB+. Ay ay ay ay ay, MC يا ربي استر. Ay ay ay ay. ساتو العيب على الثير وخير ساتو وعلى الدنيا لجي انا عطاتو هي كلش فيني ايقع نموتو ويا سلام ويا سلام هي غادي نعلق الكلام ويا سلام ويا سلام هي قصتنا راح تمنى لو كانت تشوفي جديد اي اي اي اي اللي عمر لي لبي اي اي اي اي نستدني في الباصي وفي هموم الدنيا ديرها فوق راسي يا اموري مية نستدني في الباصي وفي هموم الدنيا ديرها فوق راسي يا اموري مية يا لها نهاية اي اي اي اي اي تمنى لك الخير اللي بغيتي لي الشر نزلت صغير يلي حفرتي لي قبر دروك راني خير ومعك ما عندي زهر نزلت صغير اللي حفرتي لي قبر Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, ensemble jusqu'à 18h pour une édition spéciale aujourd'hui consacrée à un sujet qu'on va tenter de comprendre ensemble, de décortiquer la situation dans l'est du Congo avec l'avancée du M23, avec un cessez-le-feu qui a été mis en place mais qui a été visiblement torpillé, violé, puisqu'ils ont en ligne de mire Kinshasa. Avec évidemment ces lots de crimes de guerre, on peut en parler, des crimes qui se produisent et ce depuis de nombreuses années. On va faire essayer de faire le point sur la situation en RDC avec ces morts qui sont évidemment impressionnants. On verra évidemment, on va tenter de faire un petit peu la lumière sur cette actualité du côté donc du Congo avec nos invités. Nous aurons notamment le député Carlos Martins Bilongo qui est député du Val d'Oise. D'origine congolaise d'ailleurs, qui sera avec nous tout à l'heure. Il a interpellé le gouvernement français la semaine dernière lors d'une question au gouvernement. La position française ne s'est pas faite attendre puisqu'elle a demandé au Rwanda de se retirer immédiatement de la partie du Congo. On sera avec notre invité aussi, William Ikolo, journaliste spécialisé en géopolitique Afrique de l'Est notamment. Et puis avec nos débatteurs et chroniqueurs, c'est parti pour le LGF en mode édition spéciale. Maghreb 2, le Grand Forum, édition spéciale. Spéciale donc consacrée réservée au Congo pour avec moi aujourd'hui en parler monsieur Smaïn Tefour, journaliste spécialiste de la région MENA, mais pas que d'ailleurs le Congo fait aussi partie de Ses spécialités, mon cher Smaïn. Avec toi on va essayer de faire un petit peu la lumière sur ce qui se passe au Congo. Je le disais, c'est pas une actualité depuis aujourd'hui, ça fait un petit moment plus que ça dure 30 ans, ouais. Voilà, avec nous disait William la semaine dernière entre 10 et 13 millions de morts, ce qui n'est pas rien, c'est énorme. Des viols quotidiens qui ont lieu, la population obligée de fuir. On va en parler bien sûr, mon cher Smaïn. Ali, directeur commercial, est avec nous. Bonjour mon cher Ali. Bonjour à toutes et à tous. Et puis un bonjour particulier à mon frère qui a son anniversaire aujourd'hui. Donc c'est un bon anniversaire. Donne-nous son prénom. Yazid. Yazid, joyeux anniversaire. Et à tes 100 ans, c'est ce matin. On m'appelle le binôme d'Ali. C'est ça, oui, c'est ça, c'est le duo de choc. Et un bonjour à Nassim, à Épinay-sur-Seine, notre grand serrurier. Très prêt bien. À tout. Christophe, très sérieux. J'ai un petit message à vous transmettre de la part de deux brillants journalistes installés ou basés à Douala, qui te passent le bonjour à toi, Ali, c'est à Carlos Milongo, en fait, et à Ikolo. Donc, ils sont au courant. Je ne sais pas comment ils ont eu vent de notre émission aujourd'hui. Ils m'ont envoyé un message tout à l'heure. Je suis en train de le transmettre de vive voix. Vous passe là un très très grand bonjour, un chaleureux même bonjour. Et particulièrement à toi, mon cher Christophe. Ils veulent le podcast après. Ah, très voilà. Bien. Mais pas de problème. Ils auront le podcast comme il se doit. Bah, Fabrice, c'est fait, hein, et Jean-Hugues. On essaiera on essaiera d'honorer, évidemment, comme il se doit. Je tente de joindre notre ami William Ikolo, qui semble avoir un petit retard concernant son intervention, parce qu'il est important qu'il soit avec nous. C'est un Congolais, bien sûr, qui sera avec nous, William Ikolo, pour nous parler de la situation qui se déroule dans ce pays. Il mérite que l'on y consacre une émission, une édition spéciale, au vu de ce qui se passe, mon cher Smaïn. On peut le dire, on avait parlé... Il n'y a pas plus tard que quelques jours, un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui a été précaire et de courte durée, qui n'a pas tenu en fait. Ben, ça ne tiendra jamais avec le M23, d'autant plus que le M23 a un agenda politique bien précis. Hein, c'est quasiment, il faut oser le dire, la partition de l'Est du Congo, parce que le Rwanda, a priori, a des visées géopolitiques et même géostratégiques. Bien entendu, le Rwanda n'est pas seul, hein, parce qu'il y a des puissances internationales qui sont derrière. On peut citer les États-Unis, entre autres, hein, qui fait que Paul Kagame se sent les coudées franches et il est quasiment en roue libre. Mm-hmm. Il essaye quasiment de conquérir cette partie Est, très riche en minerais, notamment au coltan, cobalt, or, tout ce que la terre peut receler comme richesse souterraine. Il faut dire que le Congo est quand même l'un des pays les plus riches d'Afrique, ce qui lui coûte à peu près, si vous voulez, ce malheur. Ce malheur que d'avoir ces richesses au sous-sol et qui font que ça suscite de la convoitise, Christophe. Absolument. Nous avons avec nous, il nous a rejoint, William Ikolo. Bonsoir William, bienvenue sur France Maghreb 2. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir William, Christophe. Je rappelle, bonsoir, vous êtes directeur général du groupe de presse Impact Communication Service, qui notamment détient Institution RDC. Institution Magazine RDC, absolument. Et vous êtes également journaliste spécialisé en géopolitique Afrique de l'Est et climat également. Donc William Ikolo, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette édition spéciale consacrée au Congo. Avant de parler de l'actualité du moment, parce que ça a un petit peu bougé depuis notre émission de la semaine dernière avec ce fameux cessez-le-feu qui n'a pas tenu longtemps, j'aimerais qu'on fasse un petit peu la genèse et on va essayer auprès de nos auditrices et auditeurs qui pour beaucoup, et je dois dire peut-être même nous aussi quelque part, sommes assez très peu informés sur ce qui se passe au Congo et de ce qui s'y passe depuis de nombreuses années, faire un peu la genèse de ce qui se passe donc dans cette partie du Congo, mon cher William, avec toi, pour que tu nous expliques un petit peu de ce pourquoi aujourd'hui nous en sommes là, avec ces tueries de masse, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre, parlons même pour certains d'un génocide en cours. Oui, merci beaucoup encore, et c'est une question très importante, effectivement, quitte à regarder un film, autant le prendre dès le début, c'est ça. Et savoir au moins comment les choses ont commencé. Voilà, en fait, le drame du Congo, le drame de la République démocratique du Congo, c'est notamment les richesses dont ils disposent, notamment les fameuses matières stratégiques, que l'on appelle parfois aussi les matières critiques. Ce sont des matières en fait qui permettent le saut technologique que l'on connaît, c'est-à-dire les smartphones, les ordinateurs portables, la transition écologique également, parce que vous avez besoin de ces matières pour faire fonctionner des voitures électriques, pour faire fonctionner des vélos électriques, des trottinettes électriques. Donc toute cette transition énergétique, en fait, réclame des matières. Et ces matières, vous les trouvez à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord. Alors, Pourquoi ne pas simplement faire du commerce pour obtenir ces matières? C'est la grande question. Et pour le comprendre, là, il faut que je vous renvoie à une époque un peu plus lointaine, à l'époque où le commerce se faisait principalement par les mers. Et là, on avait des groupes de gens qui s'organisaient, ce qu'on appelait des pirates. Hein. Donc les pirates allaient sillonner les mers pour dévaliser les bateaux qui disposaient de trésors de l'époque, c'est-à-dire les épices, les tissus et tout ça. Et à côté des pirates, il y avait également des États qui formaient ce qu'on appelait des corsaires, qui faisaient exactement le même travail que les pirates, sauf que les corsaires, eux, étaient diligentés par leurs États. Et aujourd'hui, pour comprendre l'Est de la République du Congo, il faut simplement s'imaginer que c'est une espèce de mer moderne où des pirates des temps modernes sévissent. Il y a des pirates privés et il y a des pirates qui sont diligentés par des États. Il faut compter, on compte actuellement plus de 266 groupes armés qui sévissent, Sur le terrain. Pour chercher de l'or, de l'étain, du cobalt, du coltan. Et donc, tous ces groupes armés, vous comprenez bien que derrière chacun d'eux, il y a des puissances occultes qui se cachent, qui fournissent des armes, qui fournissent assez d'argent pour que ces groupes puissent s'outiller en hélicoptère, en petit avion et même en armement lourd. Parce que non seulement ils font la guerre à l'armée régulière, mais se font entre eux aussi la guerre. Ouais. Et on parle notamment parmi ces pays qui, justement, armeraient, et on parle du M23, mais il n'y a pas que, notamment le Rwanda. Mais ma question que j'ai envie de vous poser, William, effectivement, cette partie du Congo qui regorge donc de produits recherchés et rares, hein, denrées rares, pourquoi le Congo n'a jamais su profiter justement de ce qu'il avait en sa possession et ses richesses absolument extraordinaires? Peut-être d'ailleurs l'un des pays d'Afrique les plus riches en matières premières. Pourquoi le Congo n'a pas réussi à faire profiter de ses richesses, notamment en premier lieu à sa population? C'est un petit peu d'ailleurs le même problème qui découle de beaucoup d'autres exemples en Afrique. Pourquoi on n'y est pas arrivé? La question, la réponse se trouve d'ailleurs dans ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo, du moins les instances officielles, ont du mal à extraire ou du moins à exploiter librement ces richesses parce qu'elles sont querellées par ces groupes armés qui en fait préfèrent détenir ces richesses pour elles seules. Et donc l'État a du mal à capter toutes les richesses qui sont sous son sol parce que il y a ces groupes armés qui lui font la guerre matin, midi, soir et ça empêche en fait à l'État congolais de non seulement d'exploiter mais de faire bénéficier à sa population de ces fameux minerais rares. Oui, alors tu nous disais la semaine dernière qu'on a tous quelque chose en nous de Congo, ne serait-ce qu'avec notre téléphone portable, hein. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui, pour fabriquer des téléphones portables, proviennent du Congo, hein, notamment, William. Absolument, absolument. Et ici, j'aimerais donner un petit témoignage personnel, en fait. Hein. J'ai travaillé pour la société que certains, je dirais vieux de la vieille, ont connue, qui s'appelait Nokia. Nokia était le numéro un des téléphones portables. Et du jour au lendemain, Nokia a disparu de la circulation. J'ai fait mes petites enquêtes pour savoir ce qui s'était passé, parce que du jour au lendemain, on nous a annoncé que c'était fini. En fait, Nokia ne savait plus s'approvisionner en matières premières pour la fabrication des smartphones, parce que le seul endroit où elle pouvait prendre les matières stratégiques pour la fabrication des smartphones, c'était au Congo. Et au Congo, c'était trop difficile pour elle de jouer des coudes avec d'autres grandes puissances que je vous laisse deviner. Smaïn Tefour, nous sommes, je rappelle, avec William Ecolo. Smaïn Tefour avec nous, journaliste également, Ali, directeur commercial. Et j'aimerais bien aussi que les auditeurs peut-être, parce que l'objectif de cette émission, d'abord, c'est de mettre la lumière sur ce qui se passe dans cette partie du Congo et de ce beau continent qui est l'Afrique. Finalement, son plus grand tort au Congo, Smaïn, c'est de posséder toutes ces matières premières qui lui vaut aujourd'hui tous ces massacres en cours. Hein. Absolument, c'est le cas de le dire. Mais là où je diverge avec William, il me permettra de le diverger avec lui, c'est qu'il ne faut pas limiter ce conflit à des bandes armées qui seraient sans contrôle. Il y a des puissances internationales qui sont derrière, les intérêts sont énormes, Christophe, et qui fait que pour comprendre la problématique du Congo, il faudrait remonter, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit tout à l'heure en parlant de la genèse, il faudrait remonter à l'indépendance de ce pays, le Congo, en 1960, quand le malheureux Patrice Lumumba a été arrêté par sur ordre, il faut le rappeler, sur ordre des puissances occidentales à l'époque, notamment la Belgique, le MI6 de la Grande-Bretagne et aussi les Américains, parce qu'on était dans un contexte de guerre froide. Il fallait absolument arrêter des gens qui voulaient s'affranchir de la tutelle occidentale de manière générale, et qui a coûté malheureusement encore une fois la vie à notre Patrice Lumumba, qui est quand même le héros de l'Afrique, hein. Moi, je le baptiserai ainsi, parce que réduire le conflit congolais à une problématique clanique ou de bandes, on va dire, de bandits de grand chemin, c'est pas tout à fait le cas, parce que le Congo, quand même, est un pays qui est géostratégiquement et géopolitiquement important aux yeux, encore une fois, des grandes puissances qui, aujourd'hui, sont, on va dire, directement ou indirectement impliqués dans ce qui se passe. Parce que le Congo est un pays, quand même, qui a un siège à l'ONU, c'est un pays qui a des frontières établies. Donc, l'ONU reconnaît justement cet état de fait, la raison pour laquelle il y a une force onusienne, d'ailleurs, qui soutient les autorités officielles du Congo pour mettre fin aux exactions, notamment du M23, parce que les autres bandes, si le M23 est neutralisé, automatiquement les autres bandes seront neutralisées. Donc le M23, on va dire, c'est le côté visible de l'iceberg, et qui fait que aujourd'hui, on va dire que pour comprendre cette situation-là, il faudrait faire une lecture géopolitique avant tout. Il ne faut pas en faire une lecture régionale. C'est comme si le Congo était un pays qui n'a pas atteint, on va dire, sa maturité politique. Non, le Congo a atteint sa maturité politique, sauf que la gestion de ce pays après l'indépendance a été, on va dire, jalonnée de trahison. Parce que demain, si on devait remonter... Vas-y, William. Vous voyez, Smaïn, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, vous savez, si on devait laisser à ces groupes armés ces matières stratégiques, elles n'en feront rien. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sauraient de toute façon pas quoi en faire. C'est-à-dire que quand je parle de groupes armés, je veux simplement dire que c'est les bras armés de certaines puissances qui se cachent. C'est pour ça que je parlais de puissances occultes. Et d'ailleurs, vous remontez à l'indépendance du Congo. Moi, je vais remonter beaucoup plus loin, parce que le Congo est ce pays aussi qui a fourni au monde le caoutchouc. À quoi sert le caoutchouc ? Ben, le caoutchouc, c'est cette matière qui vous permet d'avoir des pneus sur les voitures. C'est cette matière qui permet aux avions d'avoir des pneus, d'avoir des pareil pour les vélos. Il y a aussi, et durant la Première Guerre mondiale, ce caoutchouc était une denrée inestimable. Et les Congolais en ont payé de leur vie, parce que ils avaient les mains coupées quand ils n'arrivaient pas à atteindre les quotas qu'on leur exigeait. Ils travaillaient gratuitement comme des bêtes de somme. Et là encore, ça n'était pas le fait de bandes de groupes armés, c'était directement les puissances qui utilisaient la puissance, l'autorité de Léopold II pour se faire. Donc aujourd'hui, ne nous cachons pas les choses. Quand je parlais des groupes armés, c'était simplement au niveau du terrain, comment ça se passe. Mais chacun sait que derrière ces groupes armés, ben, y a des puissances. Et un des premiers pays qui est utilisé comme, passez-moi l'expression, nègre de service, c'est le Rwanda, chez qui on passe des commandes et qui s'arrange pour ramener au monde les commandes de ces minerais stratégiques. Alors on va essayer d'être ludique, hein, au cours de cette émission, si vous permettez. Je sais que vous aimez rentrer dans les détails et dans l'aspect géopolitique, c'est important de le faire, mais sachant aussi transmettre une réalité du terrain, de ce qui s'y passe, d'essayer de comprendre évidemment le conflit depuis, de faire un petit peu le genèse de tout ça pour que les gens comprennent en fait, pour ce qui s'y passe. Et l'objectif franchement de cette émission, s'il y en a un, c'est que les gens s'intéressent à ce qui se passe au Congo, parce que évidemment on s'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé, on l'a fait à Gaza et ailleurs dans le monde avec tous ces peuples opprimés, mais au Congo, malheureusement, c'est un silence silence assourdissant qui en devient même peut-être parfois gênant. Coupable, oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on a, j'ai proposé de faire cette émission. Donc essayons d'être le plus ludique possible, de pas trop rentrer dans des détails qui sont certes avisés à des connaisseurs et en tant que vous, observateurs, journalistes et compagnie. Essayons et faisons-le ici pour s'adresser au grand public afin de comprendre. Et il n'y a pas de questions bêtes. D'ailleurs, si les auditeurs souhaitent intervenir pour poser des questions, pour comprendre évidemment la situation, on va être très concret, les amis. On va rentrer dans un instant et accueillir Sofiane Garbaoui, un autre journaliste qui nous a rejoint dans un instant, pour essayer de comprendre maintenant comment ça se traduit auprès de la population maintenant, toutes ces envies d'aller maîtriser et prendre toutes ces matières premières, puisque en définitive, qui est la principale victime ? C'est le peuple qui est obligé de fuir. Et quand elle ne peut pas fuir, il se fait tuer, violer. William, rappelle-nous ce chiffre qui est terrible. Plus de 1500 viols par jour. 1050 viols par jour. Voilà. Alors, on va continuer d'en parler avec vos appels au 01 40 33 9000. Tout à l'heure, nous aurons aussi avec nous par téléphone le député Carlos Martins Bilongo qui a posé une question à la séance de questions au gouvernement la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Visiblement, ça a eu un écho puisque la France a réagi quelques jours plus tard en demandant officiellement au Rwanda de se retirer du Congo. On voit maintenant que le M23 a violé en fait ce cessez-le-feu et se dirige et a pour ligne de mire Kinshasa. Mais ce qu'il faudra aussi s'intéresser aussi, c'est la réaction des autorités congolaises. Est-ce que le président, est-ce que le gouvernement est à la hauteur de cette crise en cours ? Il faut aussi qu'on en parle, il n'y a pas de question tabou. On est avec vous en direct dans cette édition spéciale du Grand Forum avec William Mikolo, Ali, notre directeur commercial. Ah, il y aurait plein d'affaires à faire au Congo, hein, mon cher Ali. Plein de choses. Hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. Smaïd Defour et Sofiane Garbaoui, restez avec nous. On est en direct sur France Magazine 2. Amis congolais, vous qui nous écoutez, je sais que vous êtes là. Vous pouvez évidemment appeler le numéro de téléphone. Je vous le donne, 01 40 33 9000. Jusque 18h, on parle uniquement du Congo parce que ça le vaut bien. À tout de suite. LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Fro. Eh oui les amis, édition spéciale consacrée au Congo aujourd'hui. France Maghreb 2, le Grand Forum, édition spéciale. Avec Smaïd Defour, journaliste spécialiste de la région MENA, avec Sofiane Garbaoui. Bonjour Sofiane. Bonjour tout le monde. Bonjour Sofiane Ali, toujours directeur commercial, et notre invité William Mikolo, alors, journaliste. Toujours, pourquoi t'as changé Oui, William Mikolo, donc avec nous, journaliste spécialisé en géopolitique, Afrique de l'Est et climat. On parle évidemment de ce qui se passe au Congo. J'aimerais qu'on peut-être présente un peu ce pays d'un point de vue géographique, William. Puisque se concentre, je crois, le drame dans la partie est du pays. On peut rappeler aussi que c'est le plus grand pays francophone d'Afrique, le deuxième pays francophone d'Afrique, le Congo ? Non, le deuxième pays, plus grand pays d'Afrique, après tout simplement. Après l'Algérie, absolument. Le deuxième plus grand d'Afrique, effectivement, mais aussi un des plus grands pays francophones. On parle français là-bas, non ? Voilà, il y a 110 millions d'habitants, donc 110 millions de locuteurs francophones, ça en fait, ça en fait un paquet, effectivement. Pays francophone. Alors géographiquement parlant, mon cher William, c'est important d'essayer de situer où se déroule le drame. Au centre. Voilà, en fait, la République démocratique du Congo est un pays assez singulier, hein, comme on le disait tout à l'heure, non seulement par sa superficie, mais par son importance géostratégique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul pays qui a, en Afrique, 9 pays voisins, donc 9 pays limitrophes, ce qui fait que son influence est considérable. C'est un pays qui est à la fois, qui touche l'Afrique australe, hein, dans sa partie sud, et qui, au nord, est déjà frontalier du Soudan. À l'est, c'est les pays des Grands Lacs, et à l'ouest, il y a notamment le Centrafrique, le Congo, Brazzaville, et au nord, le Centrafrique et d'autres pays. Donc 9 pays, ça en fait un pays central, de par sa superficie, de par ses connexions avec les autres pays, et puis aussi de par tout simplement toutes les possibilités, toutes les richesses enfouies dans le sol, qui sont un véritable don de Dieu. Absolument. Enfin, un don de Dieu et peut-être aussi quelque part un peu le malheur du moment. Enfin, depuis ces dernières années. Alors, c'est dans la partie est du Congo que se concentrent finalement toutes ces matières premières. On disait donc avec beaucoup de milices qui sont évidemment à la manœuvre. On peut aussi parler, Sofiane, peut-être, de pays étrangers qui interviennent aussi quelque part et participent aussi à ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent d'ailleurs, ce génocide en cours au Congo. Alors, je vais peut-être mettre un peu les formes. Je trouve que le mot génocide, on est en train de galvauder un tout petit peu. Il y a une volonté de crime de guerre. Crime de guerre, oui, mais génocide, c'est une autre signification. Maintenant, ce qui se passe chez nos amis et frères congolais, c'est ni plus ni moins qu'une aliénation, une spoliation de leur terre qu'ils ont hérité, comme tous les pays africains, de la fin du colonialisme et de la décolonisation. Il y a des tracés qui ont été faits, que tout le monde, d'ailleurs l'OUA quand elle a été créée, ou même l'Union africaine quand elle a été créée, un des premiers articles, c'est de respecter les frontières héritées du colonialisme. Donc il n'est pas question de revenir dessus. Le Congo, comme beaucoup de pays de la région, sont traversés de tous les courants historiques. Sauf que aujourd'hui, l'Afrique dans son ensemble, et cette région en particulier, est une région qui concentre en elle beaucoup de richesses. Mais quand je dis beaucoup de richesses, ce n'est pas quelques milliers de tonnes d'or ou quelques kilos de... C'est peut-être le pays qui regorge le plus de richesses, voilà, d'ailleurs, on peut le dire. Et ce qui se passe, par exemple, moi j'ai appris que dernièrement, Total a signé un accord avec le Rwanda pour l'exploitation d'un champ pétrolier qui est entre l'Angola et le Mozambique. Donc, et le passage passe par le nord Congo, qui est la région qui est en discussion, en guerre. Et donc, quelque part, il n'a jamais fait défaut que beaucoup de pays, que ce soit la Chine, parce qu'il faut aussi citer nommément les pays, que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, ont toujours voulu mettre main basse sur ces territoires et surtout sur leurs richesses. Après, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne peuvent pas coloniser aujourd'hui directement, même si dernièrement Trump... Ils se servent d'alliés. Voilà, même si dernièrement Trump nous a démontré, dans sa volonté de nettoyer, je mets des grosses parenthèses, Gaza de ses habitants, nous montre que le colonialisme direct peut revenir. Ouais. Sauf que là, on utilise des supplétifs. Voilà, d'accord. C'est comme ça qu'on appelle. Non, voilà. Mais j'ai bien compris. William, est-ce que tu partages cette analyse de Sofiane Garbaoui? Excellente analyse. Oui, donc finalement, il n'y a pas qu'un pays dont on cite beaucoup, c'est le Rwanda. En fait, le Rwandais, si j'ai bien compris, c'est un supplétif en fait des gros alliés derrière, enfin des gros pays qui veulent mettre main basse sur les richesses du Congo. Alors, juste un point. Un exemple très simple, en fait, que je peux vous donner ici, c'est que l'année passée, en février 2024, l'Union européenne a signé un mémorandum d'entente, un MOU, avec le Rwanda pour commercer avec lui sur les matières stratégiques que le Rwanda ne possède pas. Ouais, c'est ça. Juste un autre point, il ne faut pas oublier que le Rwanda était l'un des premiers pays africains à avoir signé avec un État occidental, donc en l'occurrence les États-Unis. L'Union de Great Britain, enfin l'Angleterre, pour relocaliser des migrants illégaux. Pour une somme de 200 millions d'euros par an. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Rwanda, soit il attaque ses voisins parce que c'est ce qu'on lui demande, soit il se fait bouffer. Voilà. Et Kagame, qui est aujourd'hui un autocrate, qui était venu par un coup d'État, qui ne disait pas son nom, qui aujourd'hui est en difficulté parce que sa fille, qui gère une partie de la richesse du Rwanda et a quelques problématiques. Son fils, qui est à la tête de la sécurité, a quelques difficultés. Et aujourd'hui, il faut savoir que le Rwanda, de par sa position aussi, c'est un pays qui a été pratiquement... Parce que quand on parle de ce qui s'est passé au Rwanda, les Hutus et les Tutsis, pour revenir un peu en arrière. Ouais. Les Hutus et les Tutsis, c'est les mêmes tribus. Il n'y a aucune différence ethnique. Sauf que le colonialisme belge, quand il est arrivé, eh ben, il en a fait certains des commerçants et d'autres des paysans. Et c'est comme ça qu'on a créé deux entités ethniquement homogènes, mais qui sont antagonistes de par leur création et leur statut. Ouais. Et c'est ça qui a fait le drame du. Et Paul Kagame, président du Rwanda. Du Rwanda, aujourd'hui, il faut savoir qu'il a encore ça en tête. Même si. Il doit venir à Paris, je crois. Exactement. Même si la mort de l'ex-président, j'ai oublié son nom. Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana. Paul Kagame, a priori, il n'est pas totalement. Innocent par rapport à ça. Alors, donc voilà, donc c'est tout ça. Et pourquoi on dit ça ? Pour que les gens comprennent que ce n'est pas une guerre simplement entre le Rwanda et le Congo, ce qui serait une guerre de territoire, et là, à ce moment-là, l'ONU peut intervenir, etc. C'est une guerre de puissance par supplétif interposé. C'est ça, hein, William. On est en plein dedans, là, William, c'est ça. Exactement. Donc c'est un peu la complexité de ce conflit. Avec la principale victime, le peuple congolais, qui est obligé de fuir et qui subit les pires exactions. Oui, on va rappeler parce que c'est important que les gens comprennent aussi ce qui se passe, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que la population est prise en otage, William. Et de quelle manière est-elle prise en otage ? Pas plus loin que la semaine passée. Tout le monde a suivi entre guillemets l'agression, la prise de Goma. Il y a un hôpital à Goma qui est l'hôpital de Mounzenze où les rebelles sont arrivés, ont violé d'abord toutes les femmes qui y étaient, femmes enceintes comprises, hein, et ont tué les enfants qui étaient présents dans cet hôpital, et pour finir, ont brûlé tous les corps. Donc on est à ce niveau d'horreur en 2025. Et ceci est parfaitement dommage parce que on parlait du génocide de 1994 entre Hutus et Tutsis, mais il faut savoir que bien avant, la plupart des Tutsis qui vivaient en exil vivaient paisiblement au Congo. Aussi bien que la plupart de la classe dirigeante aujourd'hui, ce sont des anciens, des anciennes de l'ancienne colonie rwandaise au Congo. Ils ont tous étudié au Congo, à Lubumbashi, à Kinshasa. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Si, on te suit, vas-y. Oui, donc je disais que c'est un peuple qui vivait vraiment en harmonie. C'est un peuple où les Rwandais venaient s'installer au Congo. Le Congo était un peu en avance par rapport à beaucoup de pays africains. Donc la plupart des universitaires, des élèves venaient faire leurs universités au Congo. Et quand ils avaient fini, ils rentraient simplement servir leur pays. Et à cause de toutes ces matières, de ces guerres économiques, on en a fait deux peuples aujourd'hui complètement antagonistes qui se regardent en chien de faïence alors que autrefois, il n'y a pas si longtemps, on vivait vraiment en harmonie. Et d'ailleurs, quand il y a eu le génocide en 1994, il faut savoir que la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, était le seul pays à avoir ouvert ses frontières face à la masse de réfugiés qui arrivaient. Et il y en a eu 2 millions. Ouais, alors après la pub, mon cher Sofiane, et puis notre ami Ali aussi, il faut qu'on donne des informations, tu as raison. Nos clients, et nos auditeurs qui nous attendent et qui ont des questions aussi à poser. On les accueille dans un instant avec Abdelrahman et amis congolais, vous qui nous écoutez un petit peu partout dans le monde, et y compris aussi en France. Hein, je crois qu'il y a une communauté congolaise ici en France bien installée. Elle peut évidemment nous appeler pour nous donner son point de vue. On rappelle quand même, William, en un mot avant la pause, je sais pas si on a le temps, on a 30 secondes, oui. Les chiffres qui, depuis de nombreuses années, je pense que c'est les chiffres officiels, vous nous parliez la semaine dernière de 10 à 13 millions de morts depuis. Hein. Ça, c'est les chiffres. Oui, de 10 à 14 millions de morts référencés, et ce ne sont pas des chiffres que moi j'invente. C'est les chiffres référencés. Voilà, ce sont les chiffres officiels. D'accord. On y revient dans un instant pour la suite de cette édition spéciale consacrée au Congo, à la partie est du Congo, qui regorge donc de toutes ces matières premières et qui aiguise l'appétit de beaucoup. Restez avec nous. Alors. 16h-18h, LGF, le Grand Forum, sur France Maghreb 2, avec Christophe Fro. Et le Grand Forum aujourd'hui en édition spéciale consacrée au Congo. France Maghreb 2, le Grand Forum, édition spéciale. Eh oui, on s'y intéresse évidemment à ce qui se passe au Congo. Vous avez peut-être vu passer ces actualités concernant la République démocratique du Congo et de cette partie Est qui regorge de matières premières, on le rappelle, et qui est la cause malheureusement de tous ces massacres en cours, des massacres que l'on peut qualifier de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. William Ikolo, ici présent avec nous, journaliste spécialiste en géopolitique Afrique de l'Est et climat, pour nous parler bien sûr de ces viols quotidiens, 1059 viols par jour, cet hôpital qui a été pris d'assaut, les enfants tués, les femmes violées, le bâtiment brûlé, et voilà un petit peu ce qui se passe, des habitants qui tentent de fuir bien sûr ces zones de combat qui sont à la solde de ces milices qui interviennent pour le compte, on le disait tout à l'heure, de grandes puissances à travers le monde, les supplétifs parmi ceux qui sont évidemment à l'action, le Rwanda. 01 40 33 9000, on va peut-être aussi prendre la direction de nos auditeurs du Standard, parce que l'objectif vraiment de cette émission, c'est de faire la lumière sur ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, pour essayer d'être informé au mieux de ce qui se passe au Congo, qui nous attriste tout particulièrement. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on en fasse une édition spéciale, pour que le grand public aussi, parce qu'il ne faut pas compter sur les grands médias pour en parler, ils n'en ont absolument rien à foutre, on va le dire clairement, parce que c'est les Africains et parce que ce sont justement aux mains de ces puissances qui sont à la manœuvre de manière souterraine derrière. Oui, une info. Oui. Il faut savoir quand même, parce qu'on en parle très peu, que l'entité sioniste est très présente dans la sécurité, dans les sociétés de sécurité au niveau du Congo. Pas seulement le Congo, mon cher. Entre autres. Non, mais la Guinée équatoriale, oui, la garde prétorienne exactement. Du président est israélienne. Donc, et c'est bizarre parce que ces problématiques-là ont commencé. Je ne vais pas dire presque, mais presque avec l'arrivée de ces mercenaires. Oui. Je ne sais pas si William veut rajouter quelque chose là-dessus. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Hein. Très bien. Alors on va accueillir Abdelrahman qui nous appelle au téléphone, qui a une question à poser peut-être. Bonjour Abdelrahman. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour William. Pour moi, c'est la guerre froide qui se joue dans cette région pour des intérêts que vous connaissez. Pour moi, c'est une plaque tectonique économique, cette région. C'est l'affrontement est-ouest à ce niveau-là. Vous avez là, c'est pas la peine d'entrer dans les détails de milices et tout, vous avez Wagner d'un côté et de l'autre côté, vous avez les Occidentaux. En gros, Wagner, c'est américain, hein. Je continue mon raisonnement. Moi, je pense qu'il y a une personne qui peut résoudre ce problème, c'est Elon Musk. Pourquoi? Parce qu'il n'oublie pas. Parce que tu as fumé Abdelrahman, mais... Non, laissez-le finir. Attendez. S'il n'oublie pas qu'il est sud-africain, d'abord, et deuxième chose, il reste sur les traces de Mandela. Non. Pour un raciste fasciste, Abdelrahman. Je vais les citer des faits, si tu permets, Sofiane. Abdelrahman, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. En ce moment même, il y a une polémique. En ce moment même, il y a une polémique entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Elon Musk vient de jeter un pavé dans la mare. Il vient de dire que Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, était raciste et qu'il était en train d'exproprier les agriculteurs blancs, ce qui est totalement faux, bien entendu. Mais toujours est-il que ce monsieur Elon Musk, que vous croyez vraiment donc un enfant de cœur ou un samaritain, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout. Non. C'est un suprémaciste raciste qui est, oui, sud-africain de naissance, mais je ne crois pas qu'il le soit de cœur. Mais il y avait l'apartheid. Il y avait l'apartheid. Et en plus, il a des liens avec ce qu'on appelle l'alliance diplomatique, qui est descendant directement de l'ancien parti de l'apartheid. Et j'ai pas envie qu'on s'éloigne trop. Abdelrahman, pardon, mais Elon Musk n'a rien à foutre là-dedans dans ce débat d'aujourd'hui. Merci en tout cas, Abdelrahman, pour ta vision. 01 40 33 9000. J'aimerais qu'on revienne et qu'on se reconcentre, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a, Ali? Sur l'Afrique, en fait, la caractéristique, c'est que ces choses-là étaient déjà prévisibles. dans la mesure où ça avait commencé déjà par des programmes. On avait commencé par le Soudan. Le Soudan avait déjà été effectivement scindé en deux. Simplement pour des raisons simplement purement énergétiques et rien d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous avez quand même la Chine qui a commencé à peu près 4-5 ans à investir plus de 100 milliards au travers de l'Afrique. Voilà, sans faire de politique, simplement avec de l'argent. Le président chinois avait visité l'ensemble des pays africains avec des budgets en disant voilà, nous on est prêts aujourd'hui à travailler. Ils ont fait ça en Algérie, ils ont fait ça un peu au Mozambique. Au parlement du Mozambique, la caractéristique effectivement du Congo ex-Zaïre, à la différence du Congo-Brazzaville, c'est que le Congo-Brazzaville, lui, est un peu sous tutelle française. Preuve en est, c'est Total qui exploite le projet Mohonor avec Technip et l'ensemble des structures françaises. Or, qu'est-ce qui se passe pour le Mozambique? Juste une petite parenthèse, je vais encore référence à l'Algérie. C'est l'Algérie qui a aidé le Mozambique effectivement à découvrir effectivement toutes ses réserves de pétrole. Et Sonatrach, quand le Mozambique a proposé à Sonatrach de travailler, Sonatrach a dit non, c'est votre pétrole, il est à vous. Voilà, on pourra être amené à travailler ensemble. Mais c'est bien de préciser qu'effectivement, même l'Algérie, qui aurait pu quelque part accroître sa prééminence au continent africain, a laissé le Mozambique être seul. Or, la caractéristique du Zaïre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce pays-là dispose d'à peu près 50% du cobalt. Alors, les gens, le cobalt, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement tout ce qui, aujourd'hui, nous permet, effectivement, comme l'a si bien dit notre journaliste à Bruxelles, de vivre au quotidien. Est-ce que vous l'avez vu pendant le Covid? Le Covid, il y avait eu un moment des pénuries de matériel, de composants informatiques. Oui. Avec une spéculation incroyable au niveau des composants. Pourquoi? Parce qu'il y avait une croissance forte, une forte demande de PC, puisque tout le monde faisait du télétravail. Et on a vu l'enjeu aujourd'hui. Et celui qui maîtrise aujourd'hui les ressources sur le business model dans lequel on est, à savoir tout connecté, l'ultra connecté, quelque part, effectivement, va contrôler un peu le monde, qu'on le veuille ou non. Or, 50% quand même du cobalt. Comme garder ça à l'esprit. Un peu plus d'ailleurs, hein, 51% à peu près. Non, 51%. C'est 70%. Alors 50. Toujours est-il, je ne sais pas si on arrive 70%, à. Et d'ailleurs j'ai dans une conférence où je me suis rendu, il y avait également Elon Musk qui disait qu'il conteste le chiffre de 70% parce que selon lui, il y a beaucoup plus. Oui. Il dit, si vous savez où se trouvent les autres 30%, montrez-les-moi, j'en ai besoin pour mes Tesla. Voilà. Donc vous imaginez, alors ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est complètement dépendante, effectivement, de toutes ces ressources dont le pays, le Zaïre, dispose. Ex-Zaïre. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un pays qui est... Moi, j'ai un très bon ami qui actuellement est au Congo, on était en ligne avant avec lui. C'est un pays qui est très faible d'un point de vue militaire. Qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est dommage. Notre journaliste parlait effectivement de forces occultes. Les forces occultes, je pense qu'on peut les nommer aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que ce pays-là, il y a des velléités. La France est certainement là, les États-Unis certainement, et Israël est là depuis un bon moment. Voilà, c'est leur manière à eux, quelque part, de conquérir les parts de marché. Il y en a qui réussissent à mettre un chef d'État. Question, Ali, oui. C'est très important ce que vous venez de dire. Mais question pour William. On voit évidemment tous ces appétits, évidemment, qui est. Avec toutes ces matières premières. Enfin, normal, non, je ne sais pas. Normalement, ça devrait profiter uniquement aux habitants de cette partie de l'Afrique, du Congo. Oui. Mais justement, moi, est-ce que, par exemple, le Congo, les autorités congolaises, William, ont des alliés qui sont avec eux pour les aider, pour tenter d'arrêter cette machine infernale? Et justement, quelle est la position du président congolais? On avait, je crois, entendu dire qu'il y aurait une éventuelle rencontre avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Bon, a priori, ça ne se fait pas. Mais est-ce qu'on peut dire et considérer que les autorités congolaises sont à la hauteur dans cette crise? Mais en fait, c'est un problème mondial. Comme vous venez de l'expliquer vraiment avec beaucoup de talent, c'est un problème de transition énergétique, entre autres, mais très important parce que, vous savez, quand l'Union européenne dit que d'ici l'horizon 2030, il veut remplacer les voitures thermiques, pour dire cela, il est obligé de poser son regard sur le Congo. Bon, ça ne se fera pas, mais bon. Parce que ce soit nos trottinettes, nos vélos, les voitures électriques, tout ça, c'est un marché considérable. Maintenant, pour le président, et je partage ce point de vue, il a toujours pensé que la résolution de ce problème reviendrait notamment à ce qu'il appelle le panafricanisme. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Africains dans leur généralité, dans leurs individualités, puissent se tenir la main et non pas faire bloc face aux autres marchés, mais simplement qu'ils puissent marcher sur le même pas pour éviter d'être écrasés. Parce que vous savez, quand vous êtes un seul pays avec une armée régulière et que vous devez combattre 200 groupes armés subventionnés par des grandes puissances, ça n'est pas facile. Vous avez beau mettre, vous savez, 70% du budget de la RDC va dans l'armée. Mais ça n'est pas suffisant parce que derrière, il y a des grandes puissances, et vous les avez citées, qui, elles, ont beaucoup plus de moyens et qui mettent beaucoup, beaucoup d'argent pour capter ces richesses. Mais est-ce qu'il y a des alliés en Afrique parmi les... On sait qu'il y a des pays assez riches quand même en Afrique, par exemple. Il y a des alliés, mais ils ne sont pas suffisants. Il y a notamment l'Afrique du Sud, qui est un allié sûr et qui défend ouvertement la RDC. Qui envoie des soldats, il faut l'avouer. 14 morts. Sud-africain. L'Angola, qui est aussi un allié sûr. L'Angola, il a intérêt, parce que c'est sa frontière, quand même. Oui. Mais n'empêche que, voilà, il essaye de considérer les choses et il aurait pu tout à fait aussi se retrouver de l'autre côté. Quand on est à ce type, à cette hauteur d'intérêt, croyez-moi, les alliances sont très très fragiles. Ouais. Donc il y a quand même ces quelques pays-là qui résistent et qui essayent de porter secours à la RDC qui est sous les tirs de toutes ces grandes puissances hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, et quelqu'un l'a rappelé, même notre invité, il l'a bien démarré en disant qu'il y avait quelque part quand même une guerre froide, mais chaude, à l'est de la RDC qui se jouait. Oui, moi, juste après la pub, mon cher Ali, je sais, encore de la pub, hein, c'est la particularité de la radio, malheureusement. Garde-la bien au chaud, ta question, et on a aussi Brahim qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. N'hésitez pas à nous appeler pour justement parler de ce problème. Vous avez vu, encore et toujours, finalement, c'est le même problème récurrent. C'est toujours le gros appétit des grands pays qui mettent le bazar aujourd'hui dans ces pays-là, avec les principales victimes. Il faut le rappeler, c'est important de le dire aujourd'hui. C'est la population congolaise qui est obligée de fuir, qui est obligée, quand elle ne peut pas, elle est prise en étau, elle est violée, elle est tuée de manière absolument catastrophique. C'est devenu une arme inhumaine. De guerre. Hein. Et là, on parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Tout ça avec un silence assourdissant de la presse mondiale. Je veux dire, les journalistes sont totalement absents sur la question congolaise dans les grands médias, évidemment, mainstream. Restez avec nous, on en parle avec nous, avec William Ecolo, Ali, Smaïn Defour et Sofiane Gabawi. Le député Carlos Martins Bilongo qui va nous rejoindre dans quelques minutes également. Il a interpellé le gouvernement français sur cette question. Il est d'origine d'ailleurs congolaise, Carlos Martins Bilongo, et il nous en parlera dans quelques instants. Restez avec nous sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Fraud. Et le LGF en ce jeudi 6 février en édition spéciale. France Maghreb 2, le Grand Forum, édition spéciale. Avec Smaïn Defour, Sofiane Gabawi, Ali et notre invité William Ecolo, journaliste spécialiste en géopolitique, Afrique de l'Est et climat, avec nous pour parler de la situation au Congo. Je crois que tu avais une question, Ali, pardon. Voilà, à la pause, je t'ai coupé. Alors, William, je crois qu'à un moment, il est important, effectivement, pour clarifier auprès des auditeurs. Ne trouves-tu pas quelque part un petit peu assez entre guillemets bizarre, moi j'ai un ami au Congo avec qui j'échange, que une armée composée de 3000 hommes hein, est capable de quelque part de renverser et de rentrer dans un pays et on nous annonce ça avance vers Kinshasa. 3000 hommes, c'est pas... Non, il y en a bien plus. Non, mais c'est Goma, ce que... Rien qu'à Goma, il y a eu 10 000 hommes. D'accord, 10 000 hommes. Tu vois, c'est que la Goma. Voilà, donc, Goma. Va-t-on savoir toutes les personnes derrière ? Voilà. Est-ce que tu sais les nationalités des soldats en face qui sont en train de lutter contre M23 ? Il y a du roumain. Ah, qui lutte contre ou contre, avec ? Contre M23. Qui lutte aux côtés du M23. Oui, tout à fait, oui. Non, attendez, qu'on se comprenne bien. Ouais, Ali pose la question suivante. Quelles sont la nationalité des soldats qui luttent contre le M23 ? Oui. Appuient l'armée congolaise, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas grand monde. Il y avait quelques instructeurs roumains, mais qui sont rentrés chez eux, hein, qui, comme ils l'ont dit, certains l'ont dit, nous n'avions pas de contrat pour faire la guerre, nous étions des instructeurs. Il y a des Israéliens. Donc, voilà. Il y en a, il y avait quelques, mais bon, c'est assez minime. Ouais. Ce sont des quantités négligeables. Mmh. Pas les personnes, hein, mais je veux dire en termes de quantité. Aujourd'hui, je dirais que il y a l'armée sud-africaine, hein, qui a déployé quelques personnes. Il y a dans le cadre de l'EAC, il y a quelques contingents qui sont sur place, mais très clairement, il faut dire que à part les soldats, les casques bleus qui sont à côté de l'armée congolaise, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Ouais. Il y a des déclarations d'intention, c'est ce que l'Afrique du Sud a fait. Bon, On va accueillir Brahim qui nous attend au téléphone parce que les auditeurs ont des questions pour essayer de comprendre évidemment ce qui s'y passe. Et William, j'aimerais aussi que tu nous redonnes un petit peu ce qui se passe concrètement sur le terrain. On a expliqué un petit peu la genèse, on a expliqué de ce pourquoi on en est arrivé là et de ce que viennent chercher évidemment de ces grandes puissances en utilisant des supplétifs tels que le Rwanda par exemple. Mais comment ça se traduit concrètement pour la population sur le terrain? C'est aussi ça qu'il faut dire et c'est expliquer l'horreur que cette population subit. Brahim, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Bonsoir, Brahim. Bonsoir, Myriam. Bon courage pour vous. Franchement, on est avec vous de tout cœur. Et je voulais savoir exactement quel rapport qu'a le Congo avec les pays maghrébins, parce que nous sommes maghrébins, pour rien cacher. Et en sachant que M. Shangiha, il a été au Rwanda l'année dernière. Ouais, alors c'est une très bonne question, Brahim. Quels sont les partis pris des pays maghrébins? On va parler principalement de l'Algérie et du Maroc, par exemple, même si la Tunisie est un pays important. Mais quelles sont un petit peu les relations, la tendance, la vision, justement, de ce qui se passe au Congo de la part de ces deux pays, en l'occurrence, Algérie et Maroc? Moi, je réponds. Attends, non, c'est William. Ah, c'est William qui va répondre pour l'Algérie. Oui, c'est William qui répond pour l'Algérie. En tout cas, je n'ai pas accès à tous les couloirs diplomatiques. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on sait qu'il y a déjà de grandes déclarations d'intention, notamment de la part de l'Algérie, qui a déjà envoyé du matériel pour aider, donc du matériel humanitaire pour aider les déplacés de guerre et toutes les personnes qui sont en souffrance. La population congolaise. La population qui se trouve obligée de laisser leur terre pour survivre, hein. Ouais. Donc qui des fois s'enfoncent dans la forêt. La RDC a toujours eu des relations extrêmement solides avec le Maroc depuis le temps déjà d'Hassan II jusqu'à aujourd'hui. Bon, jusqu'ici sur le terrain, il n'y a pas encore de contingent marocain. Mais je suis pas dans tous les couloirs diplomatiques, mais j'ose espérer que ce front africain va arriver, parce que ce qui se passe en tout cas à l'est du Congo dénature un peu ce que nous sommes. On donne de l'Afrique une image qui n'est pas celle qui devrait être. Oui, absolument. Esmaïn, à quoi sert l'Union africaine là? Ah ben rien du tout, simplement. Oui, si je devais te répondre prosaïquement, Christophe, l'Union africaine, elle est déjà financée par l'Union européenne. Les intérêts sont énormes. Donc on voit bien que l'Union africaine a ce qu'on appelle la marge de manœuvre qui est très très réduite. D'ailleurs, il y a plein de crises en Afrique que l'Union africaine n'arrive pas justement à solutionner. Pour le Congo, c'est quand même, ça a une dimension internationale, d'autant que c'est un pays qui est aujourd'hui menacé quasiment de partition, parce que le M23... Il est vrai qu'il essaye d'arriver à Kinshasa pour renverser le pouvoir établi, sauf que ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que le M23 est considéré à la limite, hein, si je m'abuse, pratiquement d'un mouvement quasiment terroriste, bien que ce n'est pas fait encore officiellement, mais il est considéré comme tel, ne serait-ce que par l'ONU, qui pense que ce mouvement est un mouvement qui a commis quand même pas mal d'exactions en Afrique et qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, il n'a pas une bonne presse au sein des institutions onusiennes et même au sein des ONG, parce que tout à l'heure, William avait parlé des viols quotidiens. Et puis, 1059 viols par jour. Voilà. Et puis, ce pays, malheureusement, n'est pas sorti de ce qu'on appelle les affres de la guerre depuis son indépendance en juin 1960 et qu'aujourd'hui, il est confronté à une crise multidimensionnelle, ouais, qui a beaucoup plus un caractère économique. sachant que toutes les puissances, M. William Micolo, il a un langage diplomatique, on essaye de ménager la chèvre et le chou, il faudrait quand même pointer du doigt les protagonistes qui sont impliqués dans ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Il faut aider ce pays. Ce pays a besoin de l'aide de tous les pays du monde. L'Algérie a envoyé de l'aide. Alors, si le Maroc a des relations profondes avec le Congo, pourquoi ne pas le faire ? Donc, il ne faut pas non plus utiliser ce qu'on appelle l'entrisme politique à des fins politiques. Ce qui se passe par rapport... justement, je fais allusion beaucoup plus au Maroc. Le Maroc, il est là beaucoup plus comme un pays qui fait de l'entrisme pour le compte de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Je suis désolé de le dire ainsi. L'Algérie n'est pas dans cette dynamique-là. L'Algérie est beaucoup plus dans une dynamique panafricaniste, panafricaine, et qui fait qu'aujourd'hui, ils essayent d'aider ce pays. Ce pays est quand même... Donc, souverain, c'est... Oui, ben, William l'a rappelé, concrètement, aujourd'hui, c'est l'Algérie qui apporte de l'aide concrète sur le problème de la population. Bon, ça a été repris par relais par tous les médias, que ce soit mondiaux ou régionaux, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a l'Afrique du Sud aussi. D'ailleurs, l'Afrique du Sud a été attaquée par les Américains, au prétexte que Cyril Ramaphosa est raciste. Bien sûr, on ne l'a pas attaqué uniquement pour le Congo, on l'a attaqué aussi par rapport à la CIG, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. La Cour de justice internationale. Ouais. Juste pour qu'on revienne... L'élément déclencheur, c'est effectivement le Congo. Ouais, aujourd'hui, Ramaphosa se retrouve sur la ligne de mire des Américains, c'est avant tout parce que voilà, il a osé... leur tenir tête. Il a osé surtout leur tenir tête et de ne pas accepter ce qui se passe au Congo. Donc forcément, c'est l'homme à abattre aujourd'hui. Alors, parce que ça reste une puissance. La population sur le terrain, comment ça se traduit, William ? Explique-nous un petit peu, pour toi qui as été plusieurs fois au Congo et peut-être au plus près aussi de ceux qui vivent ces exactions, ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité. Ça se traduit comment quand on est habitant de cette partie du Congo ? Alors, c'est l'horreur absolue. Ce matin encore, j'étais avec un ami au téléphone qui travaille dans un hôpital bien connu, celui de Panzi, qui est l'hôpital du prix Nobel de la paix, docteur Mukwege, qui me dit qu'en fait, la plupart des malades et même des femmes, enfin des pensionnaires, essayent de fouiller la région, parce qu'on signale l'avancée des M23, c'est dire que la population n'a aucune confiance en eux. Quand ils arrivent quelque part, c'est toujours... C'est parti. Petite coupure avec, avec William. Du mobile, le mobile, il est économique, on le connaît. Maintenant, il y a une méthode. La méthode, en fait, consiste à semer la terreur. Pourquoi on parle de viol ? Je vous ai cité ce chiffre abominable de viol. Mais pourquoi il y a ces viols ? Ce ne sont pas des viols cachés, ce sont des viols qui sont revendiqués, mais ça se fait sur les grandes places. Je veux dire qu'on sort les villageois de leur village et ça se fait publiquement. L'idée cachée derrière ces viols, c'est simplement qu'après cet effroi, les gens fuient d'eux-mêmes et qu'ils ne veulent plus rien savoir de cet endroit où ils ont été humiliés. Et quand on parle de viol, les gens pensent que ça ne concerne que les femmes, alors que ce soit les hommes, ils sont violés par des objets parfois contondants devant leurs enfants. Ce sont des grands-parents qui sont violés devant leurs fils, leurs petits-enfants, des grands-mères qui sont éventrées devant leur famille. Tout ça pour créer l'effroi. Et l'idée, c'est de laisser ces zones désertes et en faire des zones de non-droit pour un pillage tranquille. Donc, on est dans l'horreur absolue. Si je comprends bien, William, de ce que tu nous racontes, c'est d'essayer de faire peur un maximum à la population pour qu'elle fuie d'elle-même cette zone, pour qu'eux, ils puissent tranquillement avancer et prendre ce qu'ils ont à prendre, quoi. Mais ce sont des méthodes terroristes bien connues. Bien sûr. Donc, les terroristes aiment bien créer cet effroi. Oui, c'est un climat de peur. C'est l'objectif, donc, pour que la population s'en aille et s'enfuit. Bilal, qui est avec nous, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Bilal. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2, Bilal. Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous. Déjà, première chose, je voulais vous remercier énormément pour l'émission que vous animez, parce que, comme vous le dites assez souvent, mais c'est la stricte vérité, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la bande FM où on peut s'exprimer librement et où les sujets d'actualité ils sont traités de façon... de façon avec cet angle-là, parce que c'est moi c'est le seul endroit sur la bande FM où on peut avoir ce son de cloche-là, et c'est un son qui est à peu près réel, même si je suis en désaccord parfois avec un certain nombre de points. Par rapport à ce qui se passe au Congo, moi ça représente un peu tout ce qui se passe, notamment dans le monde arabe, en Afrique, etc. C'est ce que je trouve dommage chez les politiques, c'est qu'il n'y a pas assez de... Notamment les politiques, comme vous aurez l'occasion d'en parler avec le monsieur de la France Insoumise, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie qui est faite auprès du citoyen moyen. Le citoyen moyen français, pour lui, c'est l'Afrique, c'est des Arabes et des Noirs qui sont corrompus. Le blanc, il est gentil. Il vient apporter la démocratie, il vient aider économiquement, il soutient, alors que c'est strictement purement l'inverse. L'inverse, oui, tout à fait. J'applaudis. Hein. Ouais, bah c'est parfait ce que vous dites, Bilal. J'applaudis, Bilal. Hein. C'est tout à fait l'inverse. Ils viennent pour des intérêts géostratégiques, ils viennent pour des intérêts financiers, ils sèment la discorde, ils créent la zizanie entre nous, ils soudoient, et ça, il y a pas assez, c'est pas assez dénoncé avec des faits tangibles, et tout est documenté. Tout est documenté. Et ça, il n'y a pas de pédagogie qui est faite. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de racisme, je sais qu'il y a beaucoup de xénophobie, je sais qu'il y a tout ça, il y a cette image-là qu'on trimballe, nous, Africains en règle générale. Mais le citoyen moyen à sa décharge, le citoyen français moyen à sa décharge, il n'est pas informé de tout ça. Pour lui, il vit encore dans le pays des bisounours, où le blanc, il est gentil, et il vient, il aide, etc. Mais tout est sourcé, tout est documenté. On parle même pas de la France-Afrique, on parle pas de tout ça. On peut rentrer dans mille détails, et là-dessus, il n'y a aucune com' qui est faite. Et à chaque fois que vous soulevez ces sujets-là, on vous traite de complotiste. C'est une très bonne intervention, Bilal. Très bonne intervention, merci, je crois qu'on a bien compris en tout cas, et on souscrit, je pense. Oui, vas-y, je t'en prie, Bilal, vas-y. Juste un dernier mot, pardon. Ouais. Par contre, et ça aussi, c'est un des... et je vais faire très très court là-dessus, c'est juste une petite parenthèse. Et ça aussi, ça crée énormément de problématiques entre nous, parce qu'il faut déjà qu'on balaye devant notre porte, par rapport aux propos notamment qui ont été tenus tout à l'heure, en disant, quand le monsieur, excusez-moi, le monsieur d'origine congolaise qui s'exprimait sur son pays, très brillamment d'ailleurs... quand il expliquait les relations qu'il avait notamment avec les pays du Maghreb, et qu'il y a un de vos collègues derrière qui rebondit et qui dit non, le Maroc, c'est vrai, vous avez des très bonnes relations avec eux, mais c'est uniquement pour faire de l'entrisme pour l'Union Européenne. Sur quoi il se base? Est-ce qu'il y a des faits? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'il y a quelque chose de tangible? Ou c'est juste son esprit qui lui fait dire ça? Et ça crée des animosités entre nous. Et ça crée des animosités. Moi, je suis pro-algérien, et j'avoue que je suis pro-algérien, pro-marocain, et par contre, j'avoue que l'Algérie, sur le domaine panafricaniste, ils ont un temps d'avance sur le Maroc, mais les propos qu'il tient, c'est des propos qui sont insultants. C'est des propos qui sont insultants parce que faire de l'entrisme au nom de l'Union Européenne... Vous exagérez. C'est moi-même qui ai tenu ces propos. Raccrochez pas. C'est juste la dernière phrase, parce que j'ai pas envie d'être trop chronophage, j'ai pas envie de prendre trop de votre temps, parce que c'est déjà énorme que vous donniez la parole, mais juste de tenir ces propos-là, c'est des propos qui sont insultants. Mais en quoi vous êtes... Attendez, Bilal. En quoi vous êtes heurté? En quoi? Attendez, vous ne laissez pas parler. Non, attendez. Bilal, il faut m'écouter. Bilal, juste dans le chauvinisme. Smaïl va te répondre, Bilal. Non, dans le chauvinisme pur et dur. Non, monsieur Bilal, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai fait une analyse politique documentée. Non. Vous n'avez pas dit qu'on... Si, j'ai dit ça. Pour l'Union Européenne, au Congo, qu'est-ce que vous racontez? Non, je raconte ce que je vois, ce que je constate, parce que c'est documenté. D'accord, vous basez sur quoi? D'accord. Qui est intervenu au Burkina Faso en faveur de la France? Non, là on parle du Congo. Non, d'accord. S'il vous plaît. D'accord. Au Congo, d'accord. Le Maroc fait de l'entrisme. Non. Attendez. C'est ce que tu as dit, Ismaël. Oui, bien sûr, j'ai voilà, dit ça. Voilà, c'est ce que tu as dit, Ismaël. Oui, j'ai dit donc, ça. Donc alors, vas-y, je l'assume. Oui, mais Bilal te pose la question, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit ça, j'ai le droit de le dire. Oui, mais pourquoi? Il faut déjà que parce que c'est documenté. Non, attendez, Christophe. Oui. C'est documenté, bien entendu. Je viens de citer des faits. Des accusations qui sont graves. Faut que ça soit basé sur quelque chose. Non, mais attendez, je vous réponds. À la radio, mais Bilal, il répond. C'est pas en élevant la voix que vous allez m'abattre. Non, mais réponds. Mais attendez, parce que là, vous ne me laissez pas exposer les faits. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous en prie. Vous m'avez posé la question. Sur quoi je me base? Que l'Algérie ou le Maroc n'intervient pas au Congo, l'Algérie est intervenue avec des moyens substantiels. Est-ce que le Maroc l'a fait? Je vous pose la question. Je réponds, pardon, excusez-moi. Oui, non, oui, allez-y. Je n'ai pas les tenants aboutissants à savoir est-ce que le Maroc est intervenu pour aider actuellement le Congo? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question. Visiblement, la réponse est non pour l'instant. Bien sûr que c'est non. Voilà, la réponse est non, Bilal, pour l'instant. Bilal. pardon. Ouais. Bilal, moi, j'ai aucune animosité envers le Maroc. OK ? C'est moi, pas le sujet. Non, attends, voilà, exactement. Moi, j'ai fait un constat. Le constat est le suivant. C'est un constat politique, parce qu'on est en train de parler en termes de géopolitique. C'est que les pays qui, en règle générale, interviennent dans un espace donné, c'est qu'il y a quelque part, il est vrai, des politiques qui sont mises en place. Le Maroc, a priori, a mis en place une politique pour l'Afrique dans le secteur financier, les assurances, etc. Bon, c'est tout en son honneur, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, il est en avance par rapport à l'Algérie, je le reconnais. Mais en termes d'aide humanitaire, l'Algérie devance largement le Maroc. C'est sans problème, on va bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur cet accord, messieurs, qu'on va se séparer parce qu'on a le député qui arrive dans un instant. Merci, mon Bilal. Ouais. Merci beaucoup, merci. Merci à toi, Bilal. Voilà. Juste un petit point important. Quand on parle du M23, et Ali l'avait soulevé tout à l'heure, quand il a posé la question, combien ils étaient ? En réalité, on a très rarement vu une milice avec des chars et des hélicoptères d'attaque. Il faut savoir que le M3 utilise des chars, des hélicoptères d'attaque. On en parlait tout à l'heure avec lui. Voilà, et donc normalement, quand on est une petite milice de quelques villageois qui se réunissent entre eux pour combattre contre l'autorité centrale, on n'a pas les moyens de s'acheter des hélicoptères. Oui, parce qu'ils sont armés par d'autres pays. Voilà. Il faut le rappeler, c'est vrai. Non, mais c'est pas simplement armé. C'est qu'il faut avoir les pilotes qui puissent piloter aussi les hélicoptères. Il y a bien des armes lourdes, William, sur le terrain de la part de ces milices. Il y a des armes lourdes qui sont utilisées. Mais il y a des formateurs, il y a tout ça. C'est une armée organisée. Oui, c'est organisé. Alors, on y revient dans un instant. On va accueillir notre invité suivant qui arrive, Carlos Martin Bilongo, député de la France Insoumise. Très bonne remarque de notre ami Bilal. On va lui en faire part dans un instant. Ce manque de pédagogie. Alors, Carlos l'a fait. Il a interrogé quand même le gouvernement français la semaine dernière sur la situation, peut-être un peu tardivement, mais il est important aussi que les députés, en l'occurrence, et les personnalités puissent aussi, et les journalistes aussi, puissent aussi en parler et faire de la pédagogie. Reste avec nous, c'est l'édition spéciale du LGF consacrée au Congo. (16h-18h) LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Fraud. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le grand forum en édition spéciale consacrée au Congo. Maghreb 2, le grand forum, édition spéciale. Avec nos invités en plateau, nos chroniqueurs, Smaïn Tefour, ainsi que Ali et Sofiane Garbaoui, et depuis Bruxelles avec nous, journaliste spécialisé en géopolitique, Afrique de l'Est et climat, monsieur William Ikolo. Notre invité qui est avec nous aussi, deuxième invité, monsieur le député Carlos Martins Bilongo. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, Christophe. Bonsoir et merci.